Niomungere. Dorino Imana sur la mise en onde. Bonsoir à tous. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal à langue française. Et donc, voici les principaux titres. Les membres des comités du parti Sawanya Frodebou ont été, dans la province Ngozi, ont été reçus par le parti Frodebou à Ngozi et le parti Sawanya Frodebou qualifie cette activité comme fusion de ces deux comités, ce que rejette le président du Sawanya Frodebou Nyakuli. Vous l'entendrez dans ce journal. Et les conducteurs de motos dans la province Rumonge ne sont plus autorisés à travailler au-delà de 18h depuis ce samedi. Le gouverneur de cette province explique qu'il s'agit d'une décision temporaire pour stopper la criminalité. Et page sport, la formation policière de Rukinzo, qui a représenté le Burundi dans les compétitions de la Coupe de la Confédération africaine, vient d'être tenue en échec lors de son match aller contre Triangle United de Zimbabwe. C'est au moment où la formation Aigle Noir de Fighters vient d'égaliser avec une équipe kenyane au stade Inwari à un score vierge de 0 but partout. Voilà pour le sommaire. Dans la politique, pour débuter ce journal, deux membres du comité du parti Sawanya Frodebou ont été reçus dans la formation. Les membres du comité du parti Frodebou Nyakuri ont été dans la province Ngozi ont été reçus dans le parti Frodebou ce dimanche en province Ngozi pour ne garder que ceux qui ont un seul parti. Léon Singendakouma, la vice-présidente du parti Sawanya Frodebou, présent dans ces cérémonies, demande plus d'efforts à ce nouveau organe dans le recrutement des membres en vue d'entrer avec force aux échéances électorales de 2020, élections auxquelles il jure de participer, quelles que soient les circonstances. Le point avec Apollinaire Muzagar. Le parti Sawanya Frodebou en province Ngozi est pour le moment dirigé par Tarsis Nzeyimana, ici de son même parti. Son adjoint est Tade Nahondi, ancien secrétaire exécutif du Frodebou Nyakuri, Yagi Diandadai. La même chose a été faite au niveau des communes. Si on place à la tête du parti quelqu'un de Sawanya Frodebou, son vice provient du Frodebou Nyakuri et vice-versa. Le vice-président du parti Sawanya Frodebou au niveau national, Léon Sengendakoumana, recommande plus d'efforts dans le recrutement de nouveaux membres, tout en assurant une bonne communication entre eux avec l'administration à la base et même les autres fidèles d'autres partis politiques. L'objectif, selon lui, est de redonner l'image de son parti afin de retrouver la force de 1993. Cela leur permettra d'affronter sans difficulté les échéances électorales de 2020. Léon Sengendakoumana promet une coalition ou alliance avec d'autres partis politiques qui ont la même vision et force que Sawanya Frodebou. Cela afin de remporter ces élections. Pas question, selon lui, de boycotter cette fois-ci ces élections, car dit-il, le boycott ne fait que diminuer la force d'un parti. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Et de son côté, le président du parti, Frodebou Nyakuri Kefani, visé par les d'un pur montage. Pour lui, ceux qui ont été accueillis ce dimanche sont ceux qui collaboraient avec la plateforme Senared. Je vous prie de suivre Kefani Bizi. Depuis le changement des organes du parti au niveau national, le parti a été représenté à Ngozi par M. Semiza Augustin, qui est venu nous demander qu'il soit remplacé pour des raisons de santé de certains membres de sa famille. Puis, le parti est maintenant représenté par un certain Louis. Donc, je pense que les deux noms que je viens d'évoquer, aucun d'entre eux ne figurait pas parmi ceux qui ont participé dans cette réunion et qui se seraient fusionnés avec le parti Frodebou. C'est pour vous dire qu'en un mot, il n'y a aucune personne, que ce soit membre ou représentant des organes du parti Sawanya-Frodebou-Nyakuri, qui a participé dans cette réunion et qui aurait adhéré même dans le parti Sawanya-Frodebou. Il s'agit de pratiques frauduleuses de montage que le parti Sawanya-Frodebou est tenté d'orchestrer, mais qui ne nous perturbe en rien. Est-ce que vous, le parti Sawanya-Frodebou-Nyakuri ne reconnaît pas du tout Tade Nahondi qui se réclamait d'un représentant du parti Sawanya-Frodebou-Nyakuri Ngozi? Je ne reconnais pas M. Tade Nahondi, que ce soit dans les organes actuels, que ce soit aussi dans les organes passés. Parce que dans le passé, donc avant 2015, le parti était représenté par une dame qui s'appelle Thérèse. Elle avait son vice-président qui s'appelle Semiza Augustin, qui est devenu le président du parti après le changement des organes au niveau national. Ça veut dire que Sotade, et je pense que c'est une personne qui n'était pas reconnue dans les organes du parti. Ce sont des personnes qui furent membres du Senared. Vous savez que même le directeur du Senared provenait de notre formation politique. Donc qu'il y ait un ou deux personnes qui l'ont suivi, c'est tout à fait normal. Maintenant, donc, comme il voit que le Senared est en débandade, il cherche là où il faut adhérer. Il adhère donc dans le parti Soigné Frodebou, comme le fut un ancien député qui s'appelle Norbert, lui aussi, qui a adhéré dans cette formation politique et qui est en train d'ailleurs donc que c'est son montage qui ne fait que ruiner l'identité de son parti. C'était Kefar Nivizile, le président du parti Frodebou Nyakuri. Et les conducteurs de moto dans la province Rumonge ne sont plus autorisés à travailler au-delà de 18h depuis ce samedi. Jvenab Guilimana, gouverneur de cette province, explique qu'il s'agit d'une décision temporaire pour stopper la criminalité qui vise ces motards après le prolongement jusqu'à 20h. Dans l'entretemps, trois motards ont en effet été tués depuis mi-mai. Le dernier a été retrouvé mort ce vendredi soir après trois jours qu'il était introuvable. Le point avec Jean-Pierre Misago, basé à Rumonge. Il s'agit d'une mesure prise pour juguler la criminalité emportant la vie des motards ces derniers temps, dit Juvenal Bigirimana, gouverneur de la province de Rumonge. Pour traquer ce groupe de ces malfaiteurs, pour identifier ces criminels, on a décidé à ce que les heures de travail pour les taxis-motos sont actuellement jusqu'à 18h. Il ne faut pas dépasser 18h. Peut-être que ces heures seront augmentées par après avoir identifié ces criminels. Et dans ce combat, c'est toute la population qui est interpellée à informer la quadrilogie sur tout cas suspect. Mais les motards doivent prendre le devant, selon le gouverneur de Rumonge. Aux taxis-motards, il faut qu'ils puissent eux aussi communiquer. Ce sont ces voyages qui portent ces gens très loin, qui provoquent aussi qu'il y ait des pertes de vies humaines. Alors, il faut qu'ils aient aussi ce sens d'analyse et d'observation pour voir et après donner l'information à la quadrilogie pour que ces gens puissent aussi être traqués. Certains des motards de la ville de Rumonge interrogés disent que la mesure tombe à point nommé au regard de la gravité de la situation. Il y avait de cela trois mois que les motards étaient autorisés à travailler jusqu'à 20h en province Rumonge, une mesure prise suite à la paix et à la sécurité très bonne dans cette province et à la demande des personnes prestant la nuit, y compris les étudiants, surtout dans la ville de Rumonge, dépourvue de bus de transport ou de taxi-voiture, selon le gouverneur de Rumonge. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Et dans la suite de ce journal à 18h10, dans les studios de la Radio Isanganiro, l'Association pour la promotion et la vulgarisation des droits, AVSPDD, regrette que les lauréats des universités en droit dans le système BMD ne soient pas autorisés à intégrer les barreaux pour devenir avocats. La réponse donnée à ceux qui tentent est que seuls ceux ayant le diplôme de licence peuvent intégrer cette profession libérale, indique le représentant de cette association, Jean-Paul Chimilimana. Il demande au ministère de tutelle de se pencher sur cette question. Nous ne sommes pas intégrés dans les barreaux d'avocats depuis 2011, puisque c'est là où on a réformé le système éducatif burundais, où on a mis en place et la loi de 2011 portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi. Et cette loi est venue pour effacer la loi de 1999 qui délivrait des diplômes de licence, alors qu'aujourd'hui, depuis 2011, ce sont les diplômes de baccalauréat qui sont délivrés dans le système éducatif de l'enseignement supérieur au Burundi. Donc, on met le point que depuis 2011, il y a 8 ans, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de bachelier en droit qui vaque la profession d'avocat. Donc, c'est depuis 2011 où on a fermé pour les diplômes de licence et qu'on a entrouvert les portes pour les diplômes de baccalauréat. Est-ce que avez-vous déjà soumis cette question au ministère de tutelle? Nous avons déjà soumis cette question au ministère de la Justice et aussi au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. depuis le 3 juin 2019, mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore reçu la réponse face à ce problème. C'était Jean-Paul Jimilimana, représentant de l'Association pour la promotion et la vulgarisation des droits AVSPDD au micro de notre confrère Urbain Nyongoro. Et sur ce, le ministère de la Justice promet de réagir ultérieurement. Et page agriculture au rendez-vous, les agriculteurs sont priés de se regrouper dans des coopératives qui visent des intérêts communs au lieu de s'attacher aux associations qui parfois prônent pour l'individualisme. Cet appel du ministre en charge de l'agriculture, l'élevage et l'environnement dans ses attributions, Théogui Déroulema, indique que l'histoire récente a montré que certaines associations ont affiché des faiblesses, tandis que les coopératives joueront un rôle rassembleur. Et les cultivateurs du coton qui ont des champs dans la localité de Chabiza, nous sommes dans la province de Bubanza, cette fois-ci dans la plaine de la Rusizi, ont été empêchés de récolter leur coton et des raisons de sécurité de sauvegarde de la réserve protégée sont avancées par les forces de l'ordre basées dans cette localité. Les cultivateurs parlent d'une perte énorme et demandent d'être rétablis dans leurs droits. Le point avec Espèce Caritas Cabagnan. Ces cultivateurs qui sont empêchés à récolter leur production de coton dans la localité de Chabiza disent ne pas comprendre comment ils ont été autorisés à cultiver, à planter, à sacrer et actuellement interdits à accéder dans ces champs pour récolter. Les forces de l'ordre basées dans cette localité les empêchent à récolter, leur expliquant que c'est pour mieux organiser leur patrouille dans cette réserve de la Rukoko, mais aussi ils ont cultivé dans une réserve protégée alors que c'est interdit, comme le racontent ces cultivateurs. Certains d'entre eux ont pu récolter le maïs et d'autres céréales associées au coton, quelquefois pendant la nuit, comme ils le disent, mais beaucoup d'autres ont abandonné et les voleurs en ont profité. Au niveau de la COGELCO, on n'a pas voulu réagir à propos. Le directeur agronomique nous a orienté chez l'administrateur de Gihanga, Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, de son côté, indique qu'il a contacté au cours de cette semaine le responsable des militaires basés dans cette localité afin de laisser ces cultivateurs récupérer leur production. Cependant, que ce soit ces cultivateurs, que ce soit les encadreurs agricoles de la COGELCO, tous disent que cette autorisation n'est pas encore accordée. Nishaka Chirose, encadreur agricole de la COGELCO, nous a indiqué que c'est plus de 100 hectares de coton qui n'ont pas été récoltés et qu'il est en train d'être endommagé. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci, Spécie Caritas et Kabanyana et Page Société. Les musulmans du Burundi se sont joints aux autres du monde pour célébrer ce dimanche la fête du Mouton et de l'Hajj. La communauté islamique du Burundi, Komibou, appelle plutôt ses fidèles à la solidarité. Le porte-parole de cette communauté, Kassim Jafar, invite ses fidèles musulmans à s'atteler au travail pour le développement du pays. Le point avec Moïse Misako. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'était l'ambiance qui régnait au terrain de la communauté islamique du Burundi Komibou en zone Nyakabiga lors de la prière de la fête du mouton. Le porte-parole de la Komibou explique le sens de cette fête. Cette fête nous rappelle Ibrahim, le jour où il était à l'âge avancé et il a demandé à Dieu de lui donner un enfant. Alors Dieu lui a donné cet enfant. En demandant à Dieu cet enfant, Ibrahim a promis à Dieu qu'il peut même donner son enfant en sacrifice pour montrer qu'il obéit aux ordres de Dieu. Alors, à ce jour est arrivé et Ibrahim a voulu donc abattre son enfant pour lui donner comme sacrifice à Dieu. Et Dieu a vu que Ibrahim a honoré sa promesse et Dieu a donné le mouton pour remplacer cet enfant. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous célébrons cette fête. À cet effet, les musulmans de la capitale Bujumbura disent qu'ils comptent partager avec le voisinage ce qu'ils ont préparé. Nous comptons célébrer la fête en famille et nous allons inviter les voisins, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, nous allons partager ce que nous avons pu avoir. Nous comptons célébrer cette fête ensemble avec nos frères musulmans. Quand bien même il y aurait des gens qui n'ont pas de moyens, nous voyons à gauche, à droite qu'il y a des personnes, des riches qui ont pu avoir des vaches, des moutons. On compte partager avec eux. Sur ce, la Komibou appelle les musulmans à la solidarité. Kassim Jafar, porte-parole de la Komibou, invite les les fidèles à s'occuper par des travaux pour développer le pays. Le message d'aujourd'hui de la fête de Mouton, c'est que nous devons tous être comme un seul homme, toutes les religions, les musulmans, les catholiques, les protestants, être un seul homme dans, pour sauvegarder la paix, l'unité, la fraternité et travailler ou bien œuvrer pour notre pays. Alors nous devons travailler corps et âme pour nous développer nous-mêmes, développer notre pays. Cette prière qui s'est déroulée au terrain de la Komibu à Nyakabiga a été rehaussée par le président du Sénat burundais, Révérien Ndikuriyo, qui a mentionné que l'État burundais est satisfait de l'apport des musulmans dans le développement du pays. Moïse Misaga qui nous disons merci pour clore cette édition. Parlons du sport. La formation policière de Rukinzo qui a représenté le Burundi dans les compétitions de la Coupe de la Confédération africaine vient d'être tenue en échec lors de son match aller contre Triangle United et de Zimbabwe sur un score fleuve de 5-0. Quant à la formation Aigle Noir de Faitas Domakamba, elle vient d'égaliser avec Gormania FC de Kenya au stade de Inwari sur un score vierge de 0 but partout dans les compétitions africaines de la Ligue des Champions. Et les matchs autour sont prévus le 23 10 mois en cours. Et Rukinzo recevra Triangle United de Zimbabwe au stade d'Inwari à Bujumbura cet mois où Aigle Noir jouera son match retour au Kenya. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Dorino Imana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere. Une bonne soirée dominicale à tous. Au revoir. Oh.